perdre la voix devant une sale vérité. L'encaisser c'est accepter de l'avoir peut-être mérité. Un hochement de tête et vas-y je passe à autre chose. Mais y'a que la forme parce que le fond retape les murs avec les douleurs qu'on se cause. On en voudra toujours à une tierce personne plutôt qu'à soi. Sans le méditer je peux t'expliquer si t'as deux secondes. Mais vas-y viens t'asseoir. Par contre tes discours de foi ne me les sors pas soir. J'ai bien vu que pour trop de gars le foi sert pas soir. J'ai pas voulu entendre ton discours éloquent. J'suis dans l'attente d'un geste. Et si ça me vexe vas-y rentre-moi dedans. Tout n'est pas bon à dire à ce qu'il paraît. Mais si le vrai est en convalescence, gros la confiance disparaît. Ce truc te ronge tellement présent qu'il en deviendrait presque audible. Et toi tu joues ton rôle mais peu crédible. Écoute, un brin distrait par cette mélodie. Tu le vois il se fait discret, l'homme au nez rouge quand il joue plus la comédie. J'étais obligée d'y croire, pas vrai? Il fallait que j'avale ça. Non, parce que qui mentirait à propos d'un truc pareil? Est-ce qu'une vérité qui blesse vaut plus qu'un mensonge qui tue? On n'a plus l'air de croire et c'est là notre inquiétude. Masquer la réalité, tu verras que parfois ça se paye tôt ou tard. Mais la révéler soulage et même en retard. Est-ce qu'une vérité qui blesse vaut plus qu'un mensonge qui tue? On n'a plus l'air de croire et c'est là notre inquiétude. Masquer la réalité, tu verras que parfois ça se paye tôt ou tard. Mais la révéler soulage et même en retard. Lorsque le ciel s'abat sur ma tête, je me demande ce qui me blesse le plus. Et le regard des autres qui me vexe, mes tracas et rien de plus. Perso stream et voilà comment ça m'effraie. Tu piges personne entre les jacteurs et les zonards. Je m'y perds, le m'y perds en poche. Parfois je me sens claustro. Trop de mal à croire que je suis le seul à vouloir l'exil de ce trou. Tellement noir mais j'en vois trop sourire. Paraît que la tristesse on incarne. Quand trop peiné moi je soupire, ouais. J'ai peur de succomber à ce mal-être qui m'est vital. À force d'y croire ma chute est inévitable. Mais moi je suis pas ceux qui vivent leur rêve. La réalité frappe et je suis sérieux. Personne ne s'épargne d'elle. Le mensonge tue. Mais dis-moi à qui ça profite? Des frères, des proches, collègues de taf. En vrai des hypocrites. Se sentir supérieur ne trace pas le futur, connard. Vendeur de rêves et j'en passe. Sur vous j'ai mis le rempart. Sur vous j'ai mis le rempart. Est-ce qu'une vérité qui blesse vaut plus qu'un mensonge qui tue? On n'a plus l'air de croire et c'est là notre inquiétude. Masquer la réalité, tu verras que parfois ça se paye tôt ou tard. Mais la révéler soulage et même en retard. Est-ce qu'une vérité qui blesse vaut plus qu'un mensonge qui tue? On n'a plus l'air de croire et c'est là notre inquiétude. Masquer la réalité, tu verras que parfois ça se paye tôt ou tard. Mais la révéler soulage et même en retard. Hey. Tu sais Baka? Ouais vas-y je t'écoute poteau. Je me perds dans ma folie, j'ai l'impression d'être parano. Ça t'arrive pas à toi? C'est constamment. Ce genre de truc quand tu distingues plus le vrai du faux. Chez moi tout est flou. Mais attends je te suis complètement. Ah bon pourquoi? Parce qu'on se dévie soi-même de ce qui est le mieux pour soi. Se voler la face n'importe rien à part te dévaster. T'éloigner du bon chemin et ton avenir est contrasté. Entre le vrai et le falche, je crois que je suis fâché avec moi-même. Je t'avoue que c'est pas facile, je relève la tête un peu quand même. Mais t'en dis quoi toi? Perso j'écoute que dalle, je te jure. Je m'en tape royal de tout ce qui se dit et de ce que les gens pensent. Faut faire un trait précis, mais fais-le avec méfiance. T'inquiète, je garde les conseils de l'ami, fais plus j'avance. Cette façon j'ai pas d'autre choix, gros les vérités perceront. Un jour ou l'autre c'est sûr, avec ou sans discrétion. Pour l'instant la mine est basse, la mine parle sans dispersion. C'est pas calme, au cadre, on taffe le fit en immersion. Si jamais je te raconte tout, est-ce que tu resteras? Reste, je te dirai toute la vérité. Non, quelle qu'elle soit, j'ai peur de la j'ai peur de la j'ai peur de la...